Tu m'entends? Attends, comment je peux t'envoyer un message en fait sur Oui, je Ninjam? t'entends. Ok. En bas à droite. Mais Oui, voilà, t'entends pas exactement. la musique là? Ah ouais non, oh, purée. Attends, en fait je t'explique, c'est parce qu'il y a une copine qui m'a envoyé un lien sur Non, Facebook et j'entends le pas lien de c'est les musique. Sims. Et du coup, ça, il y a un générique de Sims qui a commencé, alors j'ai tout fermé, alors que c'était ça. Ouais, c'est bon, je raconte ma vie, tu t'en fous. Attends. Ouais, et donc on fait comment pour commencer un truc ou je sais pas. Alors, est-ce que tu m'entends sur Ninjam déjà? Yes. Normalement, tu dois m'entendre méga décalé par rapport à Skype. Ok. Alors, t'as entendu qu'il y avait un métronome? D'accord. Bon. Ça Alors, va être la merde. on va rester sur Skype parce que sinon on va avoir du mal. Mais on va se mettre en mute. Donc, on va couper les micros sur Skype. Et on va Donc parler j'arrive au par le micro? chat de Ninjam, comme ça sera au Ok. moins compliqué. C'est fait. Ouais. Enfin. Ok. C'est bon? Putain, je m'entends en décalé, c'est trop bizarre. Ok, bon. Moi, je t'entends ton tout petit, ta petite voix. On va faire Big Jet. Attends. Attends, qu'est-ce que t'as fait? Bon, je fais comment pour un... De quoi? Là tu m'entends mieux normalement, mais faut que tu coupes ton micro Attends, dans les paramètres là Play, tu m'entends pas que mieux tu normalement, débranches le micro, en fait. mais faut que tu Ok, coupes ton micro attends. dans les Play, pas que tu débranches le micro. Rebranche ton micro. Ouais. Oh, mais Rebranche arrête, ton c'est micro. bon, j'y vais pas bien. Bah, c'est pas ma faute, clique sur... Mais moi non. Bah, c'est pas ma faute. C'est bon. Clique sur. Normalement, je suis dans le truc. Tu cliques sur mute. Tu me dis de fermer ma gueule. Ferme ta Voilà, gueule. comme ça, tu dois plus m'entendre normalement. Attends. Ah, je sais, c'est l'enregistrement. Oh. Ah là là. Ok. Bon, j'ai compris. Normalement, donc dans les users, il y a un mec qui s'appelle JustTesting, là, Mais où? 193, Attends, donc on attends. s'en fout. Donc tu vas cliquer sur mute. C'est pas un... Tout en bas, c'est le Sur Skype dernier, je ou sur pense. le Ninjam? Mais je vois rien. Sur Ninjam. Ah oui, si, si, si, Bah, si, non, mais si, c'est bon. normalement dans ta fenêtre, Ouais, on va mute dire que tu as user. une grosse partie en haut avec le volume. Ouais, Ah voilà. ouais. Mais sur JustTesting. Ouais. D'accord. Ensuite, au-dessus, t'as qui? T'as moi, normalement. Non. D'accord. Bon, Nimbot. bah, tu mutes pas. Et Ok. au-dessus, t'as Ninbot. Et bah, lui, tu mutes. Et ensuite. Donc, ensuite, tu vas mute ton micro. Alors, Mais dans les paramètres je de mute mon Skype. micro. Couper le microphone. C'est donc sur Skype. Donc C'est fait. normalement. Oui, couper le microphone. C'est fait. Alors là. Donc voilà. Et là maintenant, ça va être total impro. Ok. Non, mais là, on est un truc sur Ninja. Non, non, non, c'est un... tu nous entends? Enfin, tu m'entends ou pas? Non, il m'entend pas. Attends, je vais dire au métronome de fermer sa gueule parce que... Voilà. fait, tu vas m'entendre plus fort. Oui, mais je t'entends avec un méga décalage, c'est normal. En fait, c'est la peur. Moi aussi.